بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا اليوم الدرس الخامس بعد المئة في شرح عمدة الأحكام في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام aujourd'hui le cours numéro 105 dans l'explication du chapitre de la prière tiré du livre عمدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتت أرض الحبشة فذكرنا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله سلو عائشة رضي الله عنها qui dit lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam souffrait certaines de ses épouses ont cité une église qui était à Al-Habasha. Cette église qui est appelée Maria. Donc vous savez très bien, les chrétiens, ils aiment souvent donner donc, des noms de saints parfois à leurs églises. Et même certains vont aller jusqu'à invoquer les églises. C'est-à-dire qu'on va invoquer, on avait abordé la dernière fois dans la mosquée, le fait que les chrétiens vont invoquer les saints. Ça c'est un sujet. Et qu'on a dans le calendrier, on a donc 365 jours. Il se peut qu'il y ait parfois 3 saints, voire plus par jour. D'accord ? On rajoute à cela, donc ça c'est des catholiques, hein, je précise. On rajoute à cela les églises. On rajoute à cela des églises qui sont spécifiques et qui vont être invoquées, puis qui permettent de selon eux, répondre, qui vont être des intercesseurs entre eux et Dieu le Père, selon eux. Il y a un prêtre qui réplique aux musulmans. Il réplique aux musulmans dès le début de son livre. Première chose qu'il fait, il invoque une église. Il invoque une église, pourquoi ? Pour l'aider à répliquer face aux musulmans, etc. etc. Et donc, concrètement, pourquoi est-ce que je vous cite ça ? C'est parce que c'est répandu ou on a cette fameuse ambiguïté qui est propagée, les religions du monothéisme. Wallahi hadha kadhib. C'est un mensonge. Mais le pire, c'est que c'est difficile de trouver en France un groupe qui a plus de divinités que les catholiques. Va chercher un groupe qui a plus de divinités que les catholiques, ça va être dur à trouver. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Déjà, quand tu vois 365, déjà, ça choque. Rajoute encore. Et donc, cette église était appelée Maria. Alors, Umm Salama et Umm Habiba, qui avaient déjà été à Al-Habasha, elles ont commencé à citer la beauté donc, de celle-ci, ainsi que les images qu'elle contenait. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a levé la tête. Et il a dit, ceci, lorsqu'il y avait un homme pieux parmi eux qui venait à mourir, alors il construisait sur sa tombe un lieu d'adoration, masjidan, donc on ne va pas traduire par mosquée, ce qui est voulu ici par masjid, c'est ma'bad, c'est-à-dire un lieu d'adoration. Puis, il faisait ses images. Il faisait donc ces images qui sont faites, les images de ces pieux-là. Ces gens-là, donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ces gens-là sont les shirarul khalqi indallah, ce sont les pires des créatures auprès d'Allah. هذا الحديث أيها الإخوة كذلك فيه بيان أمور مخالفة للتوحيد. Et donc, il y a aussi dans ce hadith le détail concernant certains points qui sont contraires au tawhid. On a dit que l'auteur ici, à la fin de ce sous-chapitre, le chapitre des Jana'iz, à la fin, il commence à nous citer des éléments qui sont contraires au tawhid et qui se passent dans les Jana'iz, les enterrements et autres. Et ce hadith en fait partie. وَفِيهِ أَيْضًا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. Il y a aussi dans ce hadith le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comme on a vu hier. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي ومع ذلك لم يمنعه ذلك من بيان الحق وإنكار المنكر. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il souffrait. Et malgré cela, ça ne l'a pas empêché de montrer la vérité et de reprocher le et de blâmer le munkar, le mal. وفي الحديث النهي عن البناء على القبور. Il y a dans ce hadith l'interdiction quant au fait de construire, de faire des constructions sur les tombes. وأخرج مسلمون عن جابر قال نهى صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. L'imam muslim, il a cité dans son recueil, selon Jabir radiallahu anhu, qui dit qu'il, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit que les tombes soient plâtrées, donc le fait qu'on va mettre du plâtre ou du béton sur les tombes, ou qu'on écrive sur celles-ci, ou alors qu'on fasse des constructions sur celles-ci, ou qu'on marche sur celles-ci. Wallah les frères, quand on pense, lorsqu'on pense au cimetière des musulmans, à la situation dans laquelle les cimetières sont actuellement, on se demande, où sommes-nous de ces ahadiths? Où sommes-nous de ces ahadiths? Les frères, on ne parle pas de ahadiths qui sont dans des livres qu'on ne connaît pas, dans des livres qui ne sont pas présents, on parle de ahadiths fis sahihain. On parle de ahadiths fis sahihain, les frères. Où sommes-nous? وهذا يؤكد حاجة الأمة إلى تعلم دينها. Et donc cela appuie encore l'importance quant au fait que cette communauté, nous devons apprendre notre religion. Nous devons apprendre notre religion. Ce n'est pas normal que ce qui a été interdit, tout ce qui a été interdit, tu le trouves dans un cimetière comme ça. Subhanallah. Comme s'il n'y a aucun hadith là-dessus, non. Tu n'aurais dit peut-être un sujet, un élément parmi les éléments qui ont été interdits, tu le trouves. Mais là, tout ce qui a été interdit, tu le trouves. C'est choquant. C'est choquant. Il faut qu'on fasse des efforts. Il faut que nous, aujourd'hui, les frères qui ont commencé à apprendre la sunnah, alhamdulillah, taïb, yahi, ta'allamta sunnah, ta'allamtaha, idhan idhab ila ahlik wa usratik. Tu as appris la sunnah, va voir tes proches, les gens de ta famille, montre-leur. Ya'am, c'est pas comme ça, etc. On ne peut pas laisser les gens comme ça dans l'obscurité. Et nous, alhamdulillah, ta'allam tu sunnah. Alhamdulillah, j'ai appris la sunnah. Alhamdulillah. Moi, je sais que pour mon enterrement, je n'aimerais pas qu'on fasse ça pour moi, etc. Taïb, et tes proches. Et tes proches. Il est important, les frères, que les gens de la sunnah, que les salafis accordent de l'importance à leurs proches, à leurs voisins, qu'on leur fasse le rappel de temps en temps. On leur envoie 2-3 rappels. Ça leur fait du bien. Les gens, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Vous voyez le nombre de personnes qui assistent au Durus. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On vous a déjà dit, les gens aujourd'hui, c'est WhatsApp. Ils nous font un cours de 3 minutes. Pas plus. Et donc, faites leur appel à vos proches. C'est important. Ça leur est profitable. Quand on voit le cimetière, les cimetières des musulmans aujourd'hui, ça nous donne envie de pleurer. Ça nous donne envie de pleurer. فهذه الأمور المنهية وسائل من وسائل الشرك فإن الناس يخصصون ويميزون هذه القبور عن غيرها فيأتي بعد ذلك الجهال ويظنون أن هذا الميت فيه شيء مميز عن غيره. Et donc les gens, en faisant cela, ils vont donc utiliser un moyen qui fait partie des moyens qui entraînent au polythéisme. Car en embellissant les tombes comme cela, par la suite viendront des ignorants. Des ignorants qui par la suite vont voir que ces tombes se distinguent des autres. Et vont avoir certaines croyances par rapport à ce mort, juste parce que sa tombe n'est pas comme les autres tombes. وَهَكَذَا جَاءَ الشَّيْطَانِ. Et c'est comme cela que Shaitan, il est venu dans le passé. فَإِنَّهُ لَمَّ مَتَ الرِّجَالُ الصَّالِحُونَ lorsque les pieux sont morts. وَهَذَا قَبْلَ نُوحٍ, avant la venue de Nuh. Par exemple, Suwa et d'autres qui sont morts. وَكَانُوا رِجَالًا صَالِحِينَ. فَجَاءَ الشَّيْطَانُ وَأَلْقَى إِلَى النَّاسِ أَنْ صَوِّرُوا تِلْكُمُ الصُّوَرْ تَتَذَكَّرُونَهُمْ. Alors Shaitan, il est venu et il a donc incité et insufflé aux gens le fait de faire ces images de ces morts, etc., afin de s'en rappeler. فَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّاسِ وَبِجَهْلِهِمْ عَبَدُوا تِلْكُمُ الصُّوَرْ. Et donc après cela, les gens sont venus et les ignorants ont commencé à adorer ces images qui ont été faites et façonnées. Et voilà comment le polythéisme s'est propagé. Et donc il est important, les frères, qu'on ne tombe pas dans ce genre de panneau, dans ce genre de piège, et qu'on enseigne ce genre de point essentiel à notre communauté. وَيُؤْخَذُ كَذَلِكَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْكُبُورِ. Et on tire aussi de ce hadith l'interdiction quant au fait de construire des lieux de prière, des mosquées, sur les tombes. وَتَأَمَّلُوا فِي حَالَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ مَرِيضًا يَشْتَكِي وَمَعْ ذَلِكَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْ هَذَا الْمُنْكَرِ. Et méditez quant à la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était malade, comme on l'a cité précédemment. Il souffrait et cela ne l'a pas empêché de montrer la vérité et d'interdire le blâmable. Et c'est comme cela que ceux qui appellent à Allah tabaraka wa ta'ala doivent être les prédicateurs. Voilà comme ça ils doivent être. Le fait d'inciter les gens au bien et d'interdire le mal. Et de ne pas avoir peur. Nous devons nous efforcer de faire cela. C'est comme ça qu'il était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Harab al-shirk. Il a menti. Il a combattu le polythéisme jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Khilafan lima alayhi jama'atul ikhwan wa jama'at al-tablir. Contrairement à ce qu'on peut voir du groupe des frères musulmans et le groupe d'établir. Fa'antum taraoun jama'at al-ikhwan indana fi fransa. Ya'touna bi shirki fil masjid. Ils viennent avec le polythéisme dans la mosquée. Ya'tuna bin Nasara wal Yahoud yurannun fil masjid yu'allimun an-nas ash-shirk. Ils viennent donc avec les chrétiens et les juifs dans les mosquées. Ces chrétiens et ces juifs qui vont chanter et qui vont appeler les gens au polythéisme. Wa kullu hadha bid'awa husn at-ta'ayush. Et tout cela pour prétendre justement le vivre ensemble. Wa hadha batil. Tout cela est caduque. Tout cela est caduque. Et donc la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'appeler les gens au tawhid, le fait de mettre en garde contre le polythéisme, contre le fait de construire des mosquées sur des tombes, que dire du fait de ramener le polythéisme dans les mosquées? Wa kadhalika jama'atut tablir. Même chose pour le groupe d'établir. Masjiduhum alladhi ussisa minhu da'watuhum aw ussisat minhu da'watuhum. Hadha al-masjid fi khamsa al-kubur. La mosquée d'établir dans laquelle la da'wah est partie de cette mosquée, il y a 5 tombes. 5 tombes dans la mosquée. Comme l'a cité l'allama al-Najmi, rahimahullah. Wa kadhalika Muhammad Ilyas, kana kuburiyan. Muhammad Ilyas, le fondateur du groupe d'établir, il était adorateur des tombes. Fa ayyuha an-nas, kama qalat al-ulama, nahnu la nuhib an natakallama fi an-nas hakadha. Et donc, oh chers frères, comme les savants nous disent, nous, on n'aime pas parler sur les gens comme ça. Ce n'est pas un plaisir de parler sur les gens comme ça. وَلَكِنَنَا مُبْتَرُونَ. On est obligé. حِمَيَةً لِدِنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ. Pour protéger la religion d'Allah, تَبَارَكَ وَتَعَالَ. وَنُصْحًا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ. Et aussi par sincérité pour cette communauté. Nous devons être sincères envers les gens et leur dire la vérité. Leur mettre en garde contre tous ceux qui sont un danger pour leur religion. Et parmi ceux-ci qui sont un danger, il y a le groupe de Ikhwan et d'établir. Fahdharu, alors méfiez-vous. Méfiez-vous, barakallahu fikum. Wa mimma yu'khadhu kadhalika min hadha al-hadith kubhu hadhihi al-umur. Et on peut aussi tirer de ce hadith le caractère détestable de tous ces éléments qui ont été cités, les constructions sur les tombes, ainsi que les images des morts, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Ulaika shirarul khalqi indallah » Ces gens-là sont les pires des créatures auprès d'Allah. Ce n'est pas les frères, il faut qu'on fasse attention. Le prophète, il nous dit, ce sont les pires des créatures auprès d'Allah. Taïb, on retourne dans les pays musulmans, on va voir le nombre de personnes qui sont mortes, on fait des statues pour eux, on fait des images pour eux. Hein? Le nombre de mosquées qui sont construites sur des tombes. Comme il dit Cheikh Rabia, Hafizahullahu ta'ala, on n'a pas à être surpris quand on voit la faiblesse des musulmans actuellement. Quand on voit la faiblesse des musulmans actuellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La'ana Allahu al-Yahuda wa al-Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid » Et donc, qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Les juifs et les chrétiens. Aujourd'hui, on regarde combien de tombes qui sont adorées dans les pays musulmans. Combien ? Et donc il faut qu'on fasse attention, on ne doit pas être choqué quand on voit la faiblesse des musulmans. La faiblesse dans laquelle nous sommes, parce que nous nous sommes éloignés des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite l'auteur qui nous dit, rahimahullah, an Aishata radiyallahu anha, qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fi maradihi alladhi lam yakum minhu. Et donc, Aisha radiyallahu anha qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi Wassalam a dit, lorsqu'il était malade, cette maladie dont il ne s'en est pas relevé, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, La'ana Allahu al-Yahuda wa al-Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Qu'Allah maudisse les juifs ou les chrétiens, ou alors Allah a maudit les juifs et les chrétiens. On traduit comment? La'ana Allahu al-Yahuda wa al-Nasara. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ou alors Allah a maudit les juifs et les chrétiens. Ahsant, barakallahu fi. Les savants ils nous disent, il se peut que ça soit ça, il se peut que ça soit ça. Il se peut que ça soit doa, il se peut que ça soit ikhbar. Et donc, qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ou alors Allah a maudit les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Fafi hadha al-hadith aydan tahrimul bina'i ala al-kubur. Il y a aussi dans ce hadith l'interdiction quant au fait de faire des constructions sur les tombes. وذكر العلماء أن المسجد إذا بني على قبر وجب هدمه. Les savants nous disent que la mosquée, si elle est construite sur une tombe, alors nous devons donc détruire cette mosquée. وإذا جعل القبر في المسجد وجب إخراجه. Par contre, si la tombe a été placée dans la mosquée, alors il nous est obligatoire de la faire sortir. وفي الحديث تحريم الصلاة في المسجد الذي بني على قبر أو جعل فيه قبر. Il y a dans ce hadith l'interdiction de prier dans une mosquée qui a été construite sur une tombe ou une mosquée dans laquelle on a fait entrer une tombe. Cela est interdit. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Ils ont pris les tombes de leurs prophète comme lieu d'adoration. Et donc cela est strictement interdit. Et il y a des pays, subhanallah, il faut que tu fasses très attention. Il y a des pays, tu vas à chaque fois, tu ne sais pas est-ce qu'il y a une tombe. Allahul Musta'an. Et donc il faut qu'on fasse très attention, chers frères, à ce sujet. Barakallahu fikum. Et ensuite, il y a un point essentiel pour finir, inshallah ta'ala. Un point important, c'est que من الناس من يترك هذه الأحاديث الصحيحة ويركن إلى أفعال الناس. Il y a parmi les gens ceux qui vont délaisser ces hadiths qui sont authentiques et ils vont se baser sur les agissements ou sur ce que certaines personnes ont fait. Et ça nous rappelle la parole de l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi qui nous dit Ajabu les rijal araful isnad wa sihhatahu wa yadhhabuna ila qawli Sufyan. Il dit, c'est surprenant de voir des personnes qui connaissent la chaîne de transmission, son caractère authentique. Ils connaissent les preuves qui montent jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissent les hadiths, ils connaissent la sunna. Et malgré cela, ils vont vers la parole de Soufiane. Et donc, l'imam Ahmed ici, qui nous parle de Soufiane al-Thawri, qui fait partie des ulama de la communauté, pour nous montrer que peu importe le rang de la personne, tu ne peux pas délaisser la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فمن الناس من يذكر لنا مثلا اذا حدثناهم عن هذا الموضوع lorsqu'on leur parle de ce sujet, le fait de prier dans une mosquée où il y a des tombes et tout, ils nous disent طيب ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. C'est la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم. Ça c'est le premier truc que tu entends. Tu leur dis ah, bid'at al-qubba. Tu leur dis attention, l'innovation de la coupole, hein, maintenant ils veulent mettre des coupoles à chaque fois dans les mosquées. À chaque fois. Et quand tu dis aux gens, Taïb, hadhihi bid'a, c'est une innovation. Ils te disent, Taïb, al-Masjid al-Nabawi. Ah, al-Masjid al-Nabawi. Les ulama, ils ont parlé de ce sujet. Les ulama, Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Najmi, Cheikh Rabi', Cheikh Al-Fawzan. Les ulama, ils ont parlé de ce sujet. Famulakhas maqalahu ahlul ilm. Et donc, pour résumer ce que les gens de science, ils disent, ils nous disent هذا لم يكن من صنيع العلماء. Ce ne sont pas les savants qui ont fait cela. بل فعل في عهد الوليد ابن عبد الملك كما ذكره العلامة النجمي رحمه الله. Et donc cet acte, le fait de faire entrer la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, cela a été fait à l'époque de l'Walid ibn Abd al-Malik. Donc comme le cheikh العلامة النجمي l'a cité. وقد ذكر كذلك ان خيار التابعين غضب من ذلك. Il a aussi cité que les meilleurs parmi les tabi'in se sont fâchés de cela, ils n'ont pas accepté cela. ومنهم سعيد بن المسيب. Et parmi eux il y a سعيد بن المسيب. ثم في عهد الاتراك وسع كذلك المسجد. Et aussi à l'époque des Turcs, lorsque c'était les Turcs qui gouvernaient, et donc la mosquée aussi a été agrandi. Et donc, il est important, les frères, qu'on ne s'appuie pas sur ce que des gens ont fait pour contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Particulièrement quand ceux qui ont fait cela, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des savants. Ce ne sont pas les savants qui ont fait cela. وَكَذَلِكَ الْقُبَّ هَذِهِ جَاءَتْ فِي الْقَرْنِ التَّاسِعِ. La coupole, elle a été faite justement au... donc, à la 9e génération après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc elle est venue bien tard. Eux aussi, لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِ الْعُلَمَا. Ceux-là, ce ne sont pas les savants qui l'ont fait non plus. Ce ne sont pas les savants qui l'ont fait. Et donc aujourd'hui, c'est étonnant de voir les gens qui délaissent les hadiths sahihah pour s'accrocher à ce genre de choses. Il faut donc qu'on revienne et qu'on incite les gens à s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il nous dit, taraktukum ala al-mahajjat al-baydha, je vous ai laissé sur la voie blanche, la voie claire. Taraktu fikum shay'ain, je vous ai laissé deux choses. Lan tadillu ba'di law tamassaktum bihima. Si vous vous accrochez à ces deux choses, vous n'allez pas vous égarer après moi. Kitab Allahi wa sunnati, le livre d'Allah ainsi que ma sunna. Et donc il faut qu'on fasse attention à ça. On incite les gens à s'accrocher au Coran et à la sunna, et après ça ils vont comprendre ce genre de choses. Pour l'instant, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas compris cette base. Le fait que tout d'abord, tu dois revenir vers le Coran et la Sunna. On arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Et la semaine prochaine, bi'idnillah, on termine le chapitre de la prière. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran. Wa fikum baraka.